بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن نجتمع أيها الإخوة لهذا الدرس الثاني في التعليق على كتاب الزكاة من عمدة الأحكام. Donc nous nous rassemblons aujourd'hui, aux chers frères, pour ce deuxième cours dans le commentaire du chapitre lié du chapitre de l'aumône, le chapitre de la zakat tiré du livre Umdat al-Ahkam. فقد رأينا بالأمس معنى الزكاة لغة. Hier, on a vu la signification du mot az-zakat dans la langue arabe. On a vu hier la signification du mot zakat dans la langue arabe. Qui peut me rappeler la signification jazakumullahu khayran? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Az-ziyada wa tahara. Naam. Et donc on avait dit parmi donc les sens de du mot az-zakat, il y a l'augmentation et la purification. Et le lien qu'il y a justement entre la signification linguistique du mot et donc la législation, c'est tout simplement que lorsque la personne va s'acquitter de cette zakat, cela va aider la personne à s'élever en degré dans son comportement, dans ses bonnes actions, et va l'aider à se purifier et à purifier son cœur et ses œuvres. Tayyib. Az-zakatu istilahan, ça c'est très important. Et ça, on va le répéter à chaque cours, début de chaque cours obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il faut qu'on comprenne pour bien comprendre le sujet. Ma huwa ta'rifu az-zakat 'ind al-fuqaha? Quelle est la définition de az-zakat chez les fuqaha? Tayyib, alors je vous redonne la définition. Vas-y. Attention, à chaque cours, je vais la demander celle-là. At-ta'abboudou lillahi. Le fait d'adorer Allah. Bi-ikharaji qadrin mahsous. Min malin mahsous. Min shakhsin mahsous. Ila jihatin mahsousa. Et donc le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en s'acquittant d'une quantité spécifique, qadrin mahsous, en s'acquittant d'une quantité spécifique, d'un bien spécifique, d'une personne spécifique à une personne, et donc ce bien-là on le donne, cette quantité-là on la donne à une personne spécifique. D'accord? Et donc ça c'est important. Huwa ta'abudu lillah. Bi-ikhraji qadrin mahsous, min malin mahsous, min shakhsin mahsous, ila jihatin mahsousa. C'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en s'acquittant d'une quantité spécifique, d'un bien spécifique, d'une personne spécifique à une personne spécifique. Tayyib, et tout ça, on va l'expliquer petit à petit, inshallah ta'ala, tout au long des cours. Chaque hadith qu'on va voir va aborder un point. Le premier hadith, il nous dit l'auteur, rahimahullah. An Abdillah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, kol Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Mu'adh ibn Jabal, hina ba'athahu ila al-Yemen. إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Donc le premier hadith, selon Abdillah ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'a envoyé au Yémen: certes, tu vas rencontrer des gens du livre. Des gens du livre, donc parmi les juifs ou les chrétiens, des personnes qui ont reçu un livre. Et donc ce sont des gens qui ont du ilm. Prépare-toi. Wa fi hadha ayyuha al-ikhwa, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yab'ath ayya shakhsin, innama ba'atha Mu'adhan wa huwa min a'lami as-sahaba. Ici il y a déjà un point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé Mu'adh, qui fait partie des plus savants des compagnons. فَبَعَثَهُ لِنَشْرِ الدِّينِ وَلِدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et donc il l'a envoyé pour la propagation de la religion et le fait de faire la da'wa. فَلَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَقُومَ بِهَذَا الْأَمْرِ. Et donc ce n'est pas à tout le monde de faire cela. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire la da'wa. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque avec le WhatsApp, avec donc les Twitter, etc. Tout le monde veut faire, tout le monde. Des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas étudié, ils veulent, ils y vont. Bismillah, allez, je fais da'wa, moi aussi je veux participer. Taïb, ta'allem, apprends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé n'importe qui. Wa fi hadha raddun ala jama'ati tablir. Il y a en cela une réplique au groupe d'établir qui vont envoyer n'importe qui. Tu viens te convertir, El Mouhim, vas-y, tu parles d'Allah, tu parles du prophète, Alhamdoulilah. Non, ça ne se passe pas comme cela. La da'wa ne se fait pas sur l'ignorance. Et donc il a dit à Mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, tu vas voir un peuple des gens du livre. Ce sont des gens, ces gens-là, ils ont reçu un livre, ils ont une science, ils ont des ambiguïtés. Alors prépare-toi. Ils ont des ambiguïtés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonce qui sont ces gens-là, afin que Mu'adh se prépare. Tu ne vas pas aller prêcher des gens comme ça, tu ne t'es pas préparé. Hop, tu y vas, ils te disent, ouais, mais attention, il y a ci, il y a ça. Tu dis, attends, je vais chercher la réponse. Je reviens vers toi le mois prochain, d'accord, Inch'Allah. Non, prépare-toi. Prépare-toi correctement. فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Lorsque tu arriveras jusqu'à eux, alors appelle-les à attester que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. هَذِهِ هِيَ دَعْوَةُ الرُّسُولِ. Ceci est la da'wa, le prêche de tous les messagers. كُلُّهُمْ دَعَوْا إِلَى التَّوْحِيدِ. فَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا لِلدَّعْوَةِ وَأَشَارَ وَعَلَّمَهُ بِأَنَّ الدَّعْوَةَ تَبْدَأُ بِالتَّوْحِيدِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh pour faire la da'wa et lui a montré que la da'wa commence par le tawhid. Et voilà ce cours sur la zakat, ce chapitre sur la zakat, le premier hadith est lié au tawhid. Pourquoi ? لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُقْبَلْ إِلَّا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ. La zakat n'est acceptée que par les monothéistes. La zakat n'est pas acceptée des mushrikines. Et donc il est important qu'on comprenne le tawhid et qu'on l'applique. Il n'y a pas de sidi foulen ou sidi foulen. Nous adorons Allah tabaraka wa ta'ala seul. Alors enseigne-leur qu'ils attestent que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ceci est la base de la religion. Lorsque nous faisons la da'wa. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs vont se concentrer sur autre chose que cela. on fait des vidéos sur des bateaux aussi pour montrer aux gens que dans l'islam on peut plaisanter, on peut rigoler, on est fun. Tarib, allez où la da'wa tawhid? Quand est-ce qu'on enseigne aux gens que c'est ça l'islam? La différence entre le musulman et le polythéiste est tawhid. Le fait qu'ils n'adorent qu'une seule divinité, le fait qu'ils suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. Et s'ils t'obéissent en cela. Donc une fois que tu les as prêchés, Allah ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, s'ils t'obéissent en cela, informe-leur alors qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières par jour. 5 prières. Et donc on a ici le deuxième pilier de l'islam. As-salat. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَكْفُرْ. On a cité précédemment que celui qui délaisse la prière a mécru. Celui qui délaisse la prière a mécru, même s'il vient chaque année pendant Ramadan pour donner sa zakat. Même s'il vient chaque année pendant Ramadan pour donner sa zakat. Il a mécru. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. Et s'ils t'obéissent en cela, donc ils attestent que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ils accomplissent la prière. Et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-leur que Allah leur a rendu obligatoire une aumône qui sera prise de leurs riches et qui sera redistribué à leurs pauvres. Et qui sera redistribué à leurs pauvres. Fa ha nahnu nara ayyuha al-ikhwa fi hadha al-hadith marratan ukhra anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qarana bayna as-salati waz-zakat. Encore une fois dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le lien entre salat et zakat. Ces personnes-là, on voit aussi dans ce hadith, on voit l'importance de la zakat. Car il a recommandé à Mouaz de commencer par certains points, et parmi ces points, il y a la zakat. Et c'est là qu'on voit le grand problème qu'on a aujourd'hui. Des personnes qui sont dans l'islam depuis des années, qui suivent la sunna depuis des années, tu les interroges sur la zakat, ils te disent « Allahu a'lam ». Allahu a'lam. Et attention, je ne parle pas de ceux qui, je ne parle pas que de ceux qui ne sortent pas la zakat, même s'ils sont aussi blâmables. Les frères qui n'ont pas les moyens de sortir, de s'acquitter de la zakat, les frères dont la zakat ne leur est pas obligatoire, parfois ils vont se dire non, je n'ai pas besoin de chercher dessus, je ne suis pas concerné. On verra, bi'idhnillah, à travers ces cours, que beaucoup de personnes sont concernées sans le savoir. Tellement on n'étudie pas ce sujet, parfois on pense qu'on n'est pas concerné par la zakat alors qu'on l'est. Et on a aussi malheureusement des frères qui vont chaque année s'acquitter de la zakat. Mais si tu les interroges sur ce sujet, Allahu a'lam. Comment se fait-il? Comment s'en fait-il qu'un sujet qui fait partie des piliers de l'islam, des fondements de notre religion, qui fait partie des premiers points auquel a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, comment se fait-il que des années passent sans qu'on connaisse ce sujet? Et donc informe-leur que Allah tabaraka wa ta'ala leur a rendu obligatoire une aumône. Donc cette aumône, elle est obligatoire, qui sera prise de leurs riches et qui sera redistribuée aux pauvres. Une fois, un frère, il m'a interrogé et il m'a dit, moi, je ne suis pas riche. J'ai de l'argent, alhamdoulilah, mais je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Est-ce que la zakat m'est obligatoire alors que les textes montrent que la zakat, elle est prise des riches? Taïb, la réponse, à partir de combien d'argent tu deviens riche? Est-ce que c'est à partir de 50 000 euros sur ton compte, 100 000 euros, 300 000 euros, 1 million? à partir de combien tu deviens riche? La législation nous a déterminé la limite. لذلك قالت العلماء من ملك النصاب فهو غني. Les savants, ils nous disent, celui qui détient en lui la quantité imposable, alors il est riche. Celui qui détient en lui la quantité imposable, alors il est riche. Voilà pourquoi il est important qu'on comprenne les textes de la législation de la même façon que eux, les pieux prédécesseurs, ils les ont compris. De la même façon que les pieux prédécesseurs, ils les ont compris. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite l'histoire de Moussa et de son peuple. Et Moussa qui dit à son peuple de remercier Allah tabaraka wa ta'ala, « Idh ja'ala fikum anbiya » Si il a de remercier Allah tabaraka wa ta'ala car il a placé parmi vous des prophètes. C'est un grand bien qu'il vous a accordé. Il a placé parmi vous des prophètes qui vous montrent la voie à suivre. Wa ja'alakum muluka. Et il a fait de vous des rois. Est-ce que ça veut dire des rois? Vous avez des châteaux, vous avez tous des châteaux, etc. Non, ce n'est pas ce qui est voulu. Dans le tafsir, il nous cite ce qui est voulu ici chez Benou Israël. Toute personne qui avait une épouse et une famille était considérée comme roi. Était considérée comme roi. Il a une épouse, une famille, roi. Et donc, il est important de comprendre les textes correctement. La zakat, elle est prise de qui? De ceux qui détiennent, donc, an-nisab, la quantité imposable. D'où la définition, c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en sortant, en s'acquittant d'une quantité spécifique. Ce n'est pas ce point-là qu'on veut. D'un bien spécifique, ce n'est toujours pas ce point-là qu'on veut. D'une personne spécifique, c'est ça. Donc ici, on est sur le troisième point. La zakat, elle concerne qui? Elle concerne celui qui détient la quantité spécifique. Quelle est cette quantité spécifique? C'est ce qu'on verra, inshallah ta'ala, dans le deuxième hadith. Bi'idhnillah. La semaine prochaine, lorsqu'on va aborder le deuxième hadith, on verra quelle est cette quantité. Qu'est-ce qui est voulu par là? À partir de quelle quantité d'argent que je possède, quelle quantité de biens que je possède, je dois m'acquitter de la zakat. وكذلك أيها الإخوة في هذا اللفظ أن الزكاة تؤخذ من فقراء من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Et donc dans les termes qu'a cité le prophète صلى الله عليه وسلم, que la zakat, elle est prise de leurs riches et donnée et redistribuée à leurs pauvres. Donc les riches du Yémen et redistribuée à leurs pauvres. فتكلم العلماء في مسألة وهي هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر. Et donc les savants, ils ont abordé un sujet, et ce sujet, il nous concerne beaucoup. Donc il concerne beaucoup les frères qui vivent en Europe. Est-il permis de s'acquitter de la zakat dans un autre pays que celui dans lequel nous vivons? Une personne qui vit en France, est-ce qu'elle peut donc envoyer sa zakat en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Sénégal ou ailleurs? Est-ce que c'est permis ou pas? Faqad ittafaqa al-ulama 'ala jawaz dhalik in lam yakun fil baladi fuqara. Et les savants sont unanimes sur le fait que ceci est permis, il est permis d'envoyer notre zakat dans un autre pays, si le pays dans lequel nous vivons, il n'y a pas de pauvres. Si nous vivons dans un pays dans lequel il n'y a pas de pauvres. Et c'est là qu'on arrive à un sujet dont parle ce hadith aussi, parce que le hadith nous dit que la zakat, elle est prise des riches, redistribuée aux pauvres. Qui sont les pauvres? Qui sont les pauvres? Est-ce que le pauvre, c'est celui qui n'a rien du tout, qui n'a pas de domicile fixe, qui dort Est-ce que c'est lui le pauvre? Est-ce que le pauvre peut avoir un logement? Est-ce que le pauvre peut avoir un travail avec un salaire? Est-ce qu'une personne peut être pauvre en touchant 2000 euros par mois? Oui, c'est possible. Les savants, ils nous disent que le pauvre, c'est celui où alladhi la yajidu kifayata yaumihi aw shahrihi. Le pauvre, c'est celui qui ne trouve pas suffisamment d'argent pour lui, pour sa famille, pour les nourrir et les héberger dans le jour ou le mois ou l'année même, ils disent. Il n'a pas suffisamment. Il a un salaire de 2000 euros. Mais il a une famille, masha'Allah. Une grande famille, comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et pour s'occuper de cette famille, il faudrait plus que 2000 euros. À ce moment-là, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il nous dit, cette personne-là, elle mérite la zakat. Même si elle a un salaire de 2000 euros. Et donc, la zakat ne dépend pas de l'argent que tu touches. De combien? La zakat dépend de est-ce que cette quantité que tu touches, ce salaire que tu as, t'es suffisant pour toi et ta famille. Et donc celui qui n'a pas, attention là, on parle de un groupe. Il y a plusieurs groupes de personnes qui méritent la zakat et ça on le verra petit à petit, inshallah ta'ala. Et donc parmi ces groupes, il y a al-fuqara ou al-masakin. Al-fuqara ou al-masakin. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il nous dit al-miskin, c'est celui qui ne trouve pas la quantité suffisante pour ses besoins ainsi que ceux de sa famille. Et al-faqir, il a encore moins que cela. Il dit al-faqir est dans une situation encore plus difficile. Il nous dit le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, la personne qui a la quantité suffisante pour elle et sa famille, pour se nourrir et se loger, il dit Cheikh Ibn Baz, la yajouzu an nu'ti lahu zakat. Il n'est pas permis qu'on lui donne la zakat. Et donc ça nous montre quoi, chers frères? Qu'il faut qu'on fasse attention. On doit faire attention. Parfois, les frères, ils te disent, ils sont dans une exagération. Il n'y a pas de pauvres en France. Il n'y a pas. Parce qu'à partir, même si tu ne travailles pas, tu as des aides, etc. Donc, il n'y a pas de pauvres en France. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Il y a des gens, même s'ils travaillent, ils sont dans une situation difficile, même s'ils travaillent. Que dire de celui qui ne travaille pas? Et donc, ça, c'est une erreur. Dans un autre cas, il y a des frères qui vont être négligents. Ah, Foulen, il ne travaille pas, il faut lui donner la zakat, il n'a pas de travail. Alors qu'on ne sait pas, est-ce que ses besoins, est-ce qu'il a, même s'il ne travaille pas, est-ce qu'il a suffisamment pour ses besoins et ceux de sa famille? Et donc, tout le point, tout le sujet est lié à cela. Est-ce que la personne a suffisamment pour ses besoins et ceux de sa famille? Voilà la zakat. Tayyib. Et donc, est-ce qu'on a en France des personnes pauvres? Oui, il y a en France des personnes pauvres. À partir de là, nous est-il permis d'envoyer nos zakawats à l'étranger? Les savants ont divergé en ce sujet. فَذَهَبَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ. L'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmed, ils voient qu'il n'est pas permis. Il n'est pas permis que tu envoies ta zakat en Tunisie. Il n'est pas permis que tu envoies ta zakat en Algérie. Ta zakat, elle reste en France. Il y en a même certains qui disent, il n'est pas permis que tu envoies ta zakat à une distance d'un voyage. Une distance équivalente à un voyage. Ta zakat, elle reste dans les alentours de Villerue. Elle ne va pas plus loin. Et donc ça, c'est un avis. Il se base sur quoi? Il se base sur ce hadith, le hadith d'Ibn Abbas. Pourquoi? Parce que le prophète, il a dit à Mu'ad, donc, que Allah tabaraka wa ta'ala leur a rendu obligatoire une aumône qui sera prise de leurs riches et qui sera redistribuée à leurs pauvres. Là, ils nous disent, les savants, il n'a pas dit que cette aumône sera redistribuée à toute la communauté musulmane, ou etc. Non, elle sera prise de leurs riches, les gens du Yémen, et redistribuée à leurs pauvres, les gens du Yémen. Ça va rester chez eux. Et donc, ils se sont basés sur ce hadith. « Wastadallu aydan bi hadithi Imran ibn Hussein fi sunani Abi Daoud » Ils se sont aussi basés sur le hadith de Imran ibn Hussein dans sunan Abi Daoud. أن أحد الأمراء بعثه على الصدقة. Un des gouverneurs musulmans, après la mort du prophète, l'a envoyé pour rassembler les aumônes, les sadaqat, les zakawat. Il est allé. Ensuite, quand il est revenu, le gouverneur lui a dit: Wa ayn al-mal, où est l'argent? Je t'ai envoyé pour t'occuper des zakawat et tu es revenu, où est l'argent? Tu es revenu sans argent. Il lui a dit, Imran, elil mali ba'athani, est-ce que c'est pour l'argent que tu m'as envoyé? Fekod akhadnahu min haythu kunna na'khudhu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa wada'nahu haythu kunna nad'uhu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, nous avons récupéré les aumônes au même endroit que nous le récupérions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous l'avons redistribué au même endroit que nous le redistribuions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, je n'ai pas l'argent sur moi. C'est fini. Et donc, ils se sont basés sur ça pour dire que les zakawat, elles sont restées dans la contrée. Il a récupéré l'argent là-bas, il l'a redistribué là-bas et ensuite il est revenu. Donc, voir son amir. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est que la zakat, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik. L'imam Abu Hanifa, il dit que c'est permis de donner la zakat à l'étranger pour nos proches. Tu as de la famille en Algérie, tu as de la famille au Maroc, tu as de la famille au Sénégal, tu peux leur donner à eux la zakat, ta famille. Ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa. Abu Hanifa nous dit aussi l'île Ahwaj, pour ceux qui ont le plus besoin. Tu vois, en France, il y a des pauvres. Mais la situation dans tel et tel pays, elle est plus difficile. Les gens, ils en ont plus besoin. Abu Hanifa, il te dit, tu peux leur donner de la zakat. L'imam Malik, rahimahullah, il dit, yajuzu naqlu zakati l'île maslaha. L'imam Malik, il dit, il est permis donc de transporter la zakat d'un pays à un autre lorsqu'il y a un intérêt à cela. Il y a un intérêt. Quelconque intérêt. Quelle est leur preuve? La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati kulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, certes, les aumônes, donc les zakat obligatoires, sont pour les pauvres et les besogneux, ainsi que ceux qui travaillent pour la rassembler, celle-ci, cette aumône, ainsi que ceux dont nous cherchons à attirer leur cœur, ainsi que dans le fait de libérer les esclaves, dans le fait, sont aussi pour, les zakats sont donnés aussi aux endettés, et dans le sentier d'Allah. Et dans le sentier d'Allah. Ils nous disent la zakat, donc le verset, Al-ayatu amma, le verset est général. Il n'a pas cité obligé dans ton pays ou dans tel pays. Non, c'est général. Ils se sont basés sur ce verset de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadhalika fima akhrajahu muslimun fi sahihi. Anna qabisa tahammala hamalatan. Faja'a ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala lahu aqim hatta ta'tiyana as-sadaqat. Il y a aussi le hadith dans Sahih Muslim que Qabisa tahammala hamalatan. Il a pris la responsabilité d'une charge financière. Soit des personnes qui sont endettées, ou soit un gros conflit qu'il y a entre des tribus, il y a eu du sang, etc. etc. Et donc, il prend la responsabilité pour régler les problèmes. Et il dit, je m'occupe de ça. C'est moi qui vais m'occuper de cet argent. Et donc, Qabisa, il a pris la responsabilité d'une charge financière, lourde charge financière. Alors, il a voyagé jusqu'à ce qu'il arrive à Médine auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui en a parlé. Alors le prophète, il lui a dit « Aqim, reste avec nous, reste chez nous, reste à Médine jusqu'à ce que les aumônes viennent à nous et à ce moment-là, je t'en donnerai afin que tu puisses donc te décharger. » Et donc ces savants-là, ils nous disent ici, comme Issa qui vient de l'étranger, il vient à Médine, le prophète il lui donne et il retourne dépenser cet argent donc ailleurs. Et en réalité, les savants, ils nous disent « Barakallahu fikoum, laysa hunaka dalilun wadih li ahadi at-tarafayn. » Les savants, ils nous disent « Il n'y a pas une preuve claire pour un des deux parties. » Ceux qui nous disent que c'est permis et ceux qui nous disent que ce n'est pas permis. Il n'y a pas de preuve claire. Et encore moins, « La nastatir an nakoul » Fi man naqala zakatahu fi baladin akhar anna zakatahu ghayru sahiha. Une personne qui a donc envoyé sa zakat dans un autre pays, nous ne pouvons pas dire que sa zakat n'est pas correcte. On n'a pas de preuve qui nous permette de dire ya akhi ta zakat elle est pas correcte, il faut que tu récupères l'argent et que tu donnes ta zakat en France. On n'a pas de preuve qui nous permette de dire ça. Et c'est pour cela que la vue le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que la base, c'est que ta zakat, tu la donnes dans le pays où tu es. Mais s'il y a une nécessité, un besoin qui fait que tu envoies ta zakat à l'étranger, alors là, il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. On continue, bi'idnillah, ce hadith et le hadith d'après, la semaine prochaine. Donc retenez bien les points qu'on a vus, la définition de la zakat langue arabe, dans la langue arabe, la définition de la zakat chez les fuqaha, et donc de qui on prend la zakat, qui sont donc el arnia, qu'est-ce qui est voulu par les riches, qui sont les riches, qui sont les pauvres, et est-il permis de donner la zakat à des personnes qui habitent à l'étranger. Les cinq questions du début du cours la semaine prochaine inshallah ta'ala. Waffaq Allah al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.